Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, je critique les foules parce que je suis parmi toi, foule. J'aime être avec toi parce que ta chaleur humaine me réconforte, fait que je file la musique parce que oui, c'est bien souvent des critiques musicales et même bien bruyantes et bien métalliques. Oui, j'aime bien le métal et cette semaine, j'ai quasiment envie de dire que c'est un spécial pré-Trois-Rivières Metal Fest, je te l'annonce. Je serai présente au festival. Retour dans ma ville natale. Ben oui, Trois-Rivières. Et sinon, ben écoute, j'avais une critique que je tardais tant à te présenter. Je cherchais le bon moment et aussi le temps pour mettre une toune vraiment longue sur les ondes de CISM. Et oui, je parle de Basalt et de leur lancement d'album qui a eu lieu le 17 février dernier au bar de danse L'Entre Nous. Alors, je vais te jaser, ben oui, de Vertige, leur récent album, et aussi de Chabanel qui était en première partie parce que ouais, comme veut la tradition, j'arrive en retard, fait que j'ai manqué Offset, mes excuses. Une belle critique de Crowd sur les limites aussi qu'il peut avoir entre le groupe et la foule, et ce sera aussi le cas pour ma critique de Dog Century, beaucoup plus récente puisque c'était le 30 mars dernier au Piranha Bar avec en première partie Hidden Pride et les Torontois de Don Valley. Aïe, ça va bouger dans tes oreilles, bien certainement, ça va être bien brutal. Et par contre, on va commencer plus doucement avec Alex Burger. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans mes suggestions de spectacle. Pour l'instant, on a juste une chanson à dévorer, mais c'est bien à suivre pour son album. Et personnellement, faut que je te le partage, chers éditeurs de La Marge, mais j'arrête pas de me dire Alex Burger, ce serait vraiment malade soit sur Burger Records. Je lui souhaite, je nous le souhaite. Mais sinon, on va surtout aller écouter à Mandé. Alex Burger sur les ondes du 89.3 FM, CISM, critique de crowd, tout ça en même temps. Et le Piranha Bar! Ça fait un bout de temps que j'étais allée au Piranha Bar et... Je ris de moi-même parce que j'ai pas le sens de l'orientation. OK, ça fait un bout de temps là, que j'habite à Montréal, fait que ça va plutôt bien. Mais Métro McGill et moi, je pense qu'on s'entendait moyen parce que j'avais toujours l'impression que le Piranha Bar, c'était loin de tout, que c'était pas si bien situé. Et au contraire, quand tu prends la sortie métro Sainte-Catherine, ben pas métro Sainte-Catherine, mais la sortie rue Sainte-Catherine, ben tu réalises que c'est juste à côté. Mais je crois que mon problème, c'est pas un problème d'orientation, c'est plutôt que j'aime pas tant les centres d'achat. Parce que quand tu vas vers la sortie, tu sais, la sortie Sainte-Catherine, mais là, oh, tu te perds soit dans le musée des poupées en cire, soit tu te perds dans des magasins fermés parce que, tu sais, il était rendu 9h le soir. Fait que, je sais pas, moi, ça m'amène une espèce d'angoisse de je marche dans le centre d'achat puis je me dis, j'attendrai jamais, j'y arriverai pas. Ah! Puis ouais, de rester enfermé dans un centre d'achat fermé. Mais non, j'ai vaincu cette phobie. Tout à fait, ouais, un peu niaiseuse, mais quand même, j'y suis parvenue. Et surtout, je suis arrivée et j'ai réalisé la proximité avec le Piranha Bar. Raison de plus d'y aller plus souvent. Ce n'est pas mon bar préféré, mais quand même, ils ont une belle programmation pour des bands punk, metal. Et, ben, esthétiquement, c'est plutôt sombre. Moi, c'est surtout noir. Et ça reste que c'est bien efficace comme place. C'est petit. Alors, justement, j'arrive, puis on est quoi, une cinquantaine de personnes. Et j'avais pas l'impression que cette salle était pas assez rempli de gens ou qu'on était coincés. C'était vraiment parfait là-dessus. Et une crowd, ben oui, bien évidemment, métalleuse là, pour le lancement de Doxcentury. Alors, le gaminet est aux couleurs de Behemoth, Castle Decapitation, Beyond Creation ou de grosses patches de Get the Shot. Alors, on voit aussi des allégeances plus hardcore dans la foule. Et aussi des gens qui... ouais, chemise à tricot, une robe en tricot, des chemises à coraux. Je trouvais que la foule était pas si uniforme mément poêle et uniformément tout en noir, tu sais, gros cliché de t-shirt noir comme de fait. Mais non, je c'est drôle, hein, parce qu'au final, elle l'était, surtout par les allégeances musicales des gens dans la foule. Il y avait personne qui venait par curiosité, tout le monde était plutôt fervent, mais ouais, une certaine variété. Et je vais bien le réaliser plus tard durant les performances, une très grande familiarité dans leur attitude et peut-être aussi avec le groupe. Alors oui, j'ai manqué le premier groupe torontois dans le Valley, mais plutôt j'ai vu Hayden Pride, qui sont les colocataires, gérez vos finances de local de pratique comme vous voulez. Mais ouais, bref, Hayden Pride, ils sont colocataires de locaux de pratique avec Doxcentury. Ils l'ont mentionné plusieurs fois durant leur set. Alors on voyait aussi encore une fois un bon sentiment de proximité. Une fierté partagée pour le lancement de l'album. Et ça commence. Et tout de suite, après la première chanson, il y avait un besoin urgent, très, très urgent d'hydratation, puisque le groupe il a demandé, « OK, s'il vous plaît, on voudrait 4 verres d'eau, un pichet, amenez-nous à boire. Karine, ah, ça a l'air qu'il y a des bouteilles d'eau à tes pieds, amenez-nous-les, s'il te plaît! » Il y avait vraiment un sentiment d'urgence. Je peux comprendre aussi que sur le support physique que ça demande de chanter guttural. Effectivement, tu as sûrement besoin de t'hydrater, mais c'est là que c'était aussi révélateur de la proximité, parce qu'il a mentionné Karine et déjà la disposition de tout ce qui était dans la salle. On voyait que... oui, on n'avait pas affaire à... comment dire? Et il n'y avait pas une espèce de... niveau de « je vais avoir l'air très propre, très distant avec les gens qu'il y a dans la foule et les gens de l'organisation ». On le sentait tout de suite, la familiarité qu'il allait avoir dans la discussion avec la crowd. Je vous dis ça parce que par la suite, il va avoir aussi plein de petites jasettes ici et là. Et entre autres, quand ils disent « ah, ben on va vous faire une reprise de Bon Jovi ». Oui, ils ont fait une reprise de Bon Jovi façon d'être metal. Et quand ils ont dit « et puis, c'est laquelle votre préférée ?», la réponse avait l'air plutôt mitigée dans la foule, ou un peu, à la réponse blague en disant qu'ils préféraient la version de Bon Jovi, et qui ont répondu, le chanteur a plutôt répondu, c'est ça, on va y aller, partons si vous n'aimez pas notre musique. Alors, on voyait déjà le niveau de proximité qu'il pouvait avoir entre les groupes et entre le chanteur et la crowd, de pouvoir se permettre, une certaine légèreté dans la réponse, une certaine forme d'humour, tu sais, on n'a pas pas ri là, à en pleurer, mais quand même, on voyait ce niveau de proximité-là qu'on pouvait avoir avec la foule. Autant que quand ils ont dit, il y a quelqu'un dans la foule qui a dit comme « on t'aime », puis il a dit « oh, je vous aime, vous autres avec », puis il y a quelqu'un qui fait « moi, je vous haïs ». On le sait que c'est pas vrai. Mais ça a été plutôt c'est ça constant dans les petits commentaires qui étaient pas déplacés mais qui mettaient vraiment un ton au spectacle. Sinon, ben oui, qui dit metal dit headbang, qui sera plus féminin que masculin pour l'occasion. C'était très beau à voir comment les filles, il y en avait deux, ils se démenaient vraiment pas à peu près parce que il y en a tellement la headbanger durant la soirée, elle avait les cheveux tout trempés sur le côté de la tête. Quand tu dis que tu headbang, c'était du vrai sport. Oh oui. Et même multifonctionnelle dans son headbang puisqu'elle faisait des devils, ce qui peut tout à fait ça fit ensemble là, mais air guitar headbang et devils. Oui, quand je dis multifonctionnelle, ça allait dans tous ces sens-là. Et pas juste proche de la scène. Elle pouvait aussi reculer pour se prendre plus d'espace dans son action. Et ouais, ça aussi, dans la foule, j'ai trouvé que pour une crowd qui était attentive au spectacle, elle se déplaçait beaucoup. Pas nécessairement pour juste aller chercher une petite consommation au bar, mais vraiment comme... Ouais, ça se déplaçait juste... juste pour avoir peut-être un différent point de vue. Je saurais pas vraiment te l'expliquer, sauf au moment où il y a un vague qui s'est pété en plein milieu de la crowd. Ah ben ouais, c'est sûr que ça te déplace une foule. Le moment qui est quand même drôle, c'est que là, c'est exactement au moment où le chanteur, il demande genre qu'on s'approche. Visiblement, il avait pas compris pourquoi les gens, ils s'étaient déplacés, tu sais. Ça faisait un gros trou, ça faisait un grand vide. Ça faisait aussi beaucoup de verres brisés par terre. Et bon, encore une fois, comme il crie, alors un gars va plutôt décider de s'asseoir dans le pit vide, mouillé et rempli de verre brisé. Le gars est jackass. Et sinon, c'est lui-même qui va amener le premier trash durant la soirée. Alors, comme quoi, peut-être le danger du verre aura amené de vouloir être un peu tapageur dans son attitude ou qu'on n'avait plus peur de se faire mal parce que finalement, c'était comme le moment, le moins de timing de la soirée puis c'est là que ça s'est le plus passé. Alors, de façon un peu inexplicable, mais je sais pas. C'est le fait qu'il ait demandé qu'on se rapproche, qu'on le fasse. Il y a des timings qui sont étranges, mais finalement, ils se produisent. Et ça aurait été quand même une bonne conclusion pour le spectacle de Hayden Pride, qui plusieurs fois mentionnait « Oh, c'est le lancement de Doxentry, on est fiers de les présenter, on est fiers d'être en première partie. » Un bon sentiment d'appartenance. On va aller en écouter du Doxentry, mais pas tout de suite! Parce que... Là, c'est le moment que j'assume plus ou moins mon choix musical parce que c'était la chanson « Dormir » que j'adore de Ayatollah. Mais c'est parce que oui, j'ai failli pas aller au spectacle parce que j'étais fatiguée. J'étais comme « Est-ce que je vais dormir ou je vais voir un show de métal? » Ça a vraiment été un dilemme pour moi. Et comme t'auras compris, et oui, le métal a regagné. Et on s'en va écouter « Dormir » sur les ondes de CISM. Yeah. feu formation BP Plaque Piranha. Ben oui, on a entendu sur leur album Trois Quoi à l'envers la chanson Chaud Chaud. Ben oui, Black Piranha pour vous rendre hommage au bar, le Piranha Bar, parce qu'il y avait le merveilleux lancement de Dark Century. Et oui, c'était le lancement le 30 mars dernier de Under Disorder. Le groupe existe depuis 2001 et j'en ai déjà passé quelques fois. Et en plus, ils ont une belle chanson. Kill the Crowd! C'est sûr que déjà en partant, quand il y a une chanson qui parle de foule, ça conquis critique de crowd. Et autrement, ben oui, j'étais bien heureuse de découvrir leur nouveau matériel ce soir-là. Parce que non, je suis vraiment allée à la découverte, ou presque. Ah mon Dieu, est-ce que j'ai écouté l'album avant? Tu vois, c'est déjà confus dans ma tête. Ça, c'est le moment où on en écoute trop de musique, mais qu'on est bien attentif en spectacle, parce qu'il y a juste ça à voir, la foule et le band. Qui, ouais, justement, la foule, elle se rapproche bien, bien attentive pour le début du spectacle, mais aussi tout en mosh pit, assez rapidement. Là, ça aura pris 30 secondes que le show commence, puis là, boum! C'est très, très grand en pit, mais après ça va être très grandement vide rapidement. Je trouve qu'ils ont été constant dans leur inconstance. Il y en avait pas souvent. Le pit était très grand et il restait toujours présent aussi comme espace, mais de là à être toujours utilisé, non. Et en même temps, je trouvais pas ça que malaisant que ce soit pas nécessairement utilisé comme espace pour trasher. Les gens étaient là, puis en même temps, peut-être qu'encore une fois, ça avait l'air de j'allais dire, ça avait l'air de slammer. Je sais, gens de Québec, vous appelez ça slam, un trash, mais non, ce n'était pas un synonyme. Je voulais plutôt dire comme slalomé, il avait l'air d'un peu glisser encore sur les restants de bière. Alors, je peux comprendre aussi que ça durait pas nécessairement longtemps, ou que les coups étaient très grands, ou il y avait, oui, des grandes enjambées. Peut-être que tout ça n'était dû que qu'au fait qu'il y avait bien de la bière glissante. Et oui, cher auditeur bien attentif, tu me diras, mais Jolène, si tu en parles ainsi, c'est parce que t'étais pas dedans. Ouais, honnêtement, j'étais vraiment fatiguée, fait que j'ai évité de me péter la gueule. Mais vous étiez beau à voir, puis encore une fois, les filles qui headbangait, il restait, c'était souvent elle qui restait dans le pit. Il était hyper participative. Vraiment, ça a été des coups de cœur, ces deux filles-là. J'espère vous recroiser plus souvent. Et je vous dirai bonjour si vous écoutez CISM. On va avoir des affinités, puis on va faire des suggestions de spectacles. Ça va être magique. J'avoue aussi que j'étais bien tranquille dans mon coin, parce qu'il y a eu un micro moment très, très cute qui, si j'avais pas été un peu reculé de la foule, je n'aurais peut-être pas pu autant observer. Surtout au début du spectacle, il y avait un toutou. Ben, il y avait un toutou qui traînait déjà en partant tout le temps. Je sais pas, il était qui, il y en avait deux, de lapins. Et là, et là, c'est le moment où il y a quelqu'un qui l'a pris et il faisait headbanger le petit lapin à côté du guitariste. Et le guitariste, il a fait un dévol. Moment attendrissant de métalleux. C'est mignon. Mais en même temps, c'est ça, c'est tellement un micro moment qu'il fallait être là pour pouvoir trouver ça adorable et vive le moment. Ben ouais. Et sinon, ben oui, le trash est présent, mais ce sera jamais aussi important que l'interaction qu'il y a avec la foule et le band, et particulièrement le chanteur. Je pense que c'est une des premières fois qu'il y a une longue interaction. Il veut nous parler de son vidéoclip, et là, il dit que c'est sur YouTube, et il nous pose la question « Avez-vous les internets? » Et là... Il y a quelqu'un qui a répondu « J'ai juste YouPorn ». Ah, t'as une drôle de sélection sur ton internet. Et après, ça a été, bon, sans être un débat, là, ils ont quand même fait « Ah, ben non, pas YouPorn, c'est pas bon, faut avoir Pornhub. » Puis, oui, ça a été une discussion sur le meilleur site pornographique. Et on peut voir, oh, plus que la familiarité, mais ouais, la crowd et les bands étaient bien accointés. Ah ben oui, parce qu'il y avait cette légèreté de pouvoir aborder n'importe quel sujet. Et en même temps, ben oui, de quand même sentir, je sais pas comment dire, mais oui, il y avait beaucoup de calls, tu sais, dans la foule. C'était pas non plus hyper abondant, dans le sens où on faisait comme, OK, que dites au monde de se la fermer parce que c'est trop. Et en même temps, on voyait que la foule et le groupe avaient de la répartie, mais surtout que le groupe continuait à garder le lead, autant dans la conversation que dans le déroulement du spectacle. Des fois, ça peut devenir, tu sais, Il y en a des musiciens qui peuvent être gênés, ils savent pas quoi répondre. Puis oui, je pense que ça va aussi avec l'humour du groupe, tu sais, de pouvoir faire des blagues sur Pornhub. Mais imagine, je crois qu'il y a plein de groupes que ça pourrait aussi comme briser l'atmosphère ou juste comme que c'est plus quoi répondre ou genre jusque où je vais dans ce type de blague là. Tandis que là, on a joué la blague, on n'est pas non plus rentré dans du mauvais goût, fait que ça restait dans une certaine forme, je dirais, de légèreté et surtout qui renforcissait le sentiment d'appartenance avec le groupe et aussi du moment présent, tu sais, avec la foule. Comme je dis, moi, je suis restée vraiment tranquille ce soir-là, puis j'ai jamais eu le sentiment, avec tous ces commentaires-là qui se passaient, que je me sentais exclue parce que, on le voit, tu sais, c'est ses amis directement au Ben, ou ses fans, tu sais, ils les connaissent vraiment comme les deux doigts de la main. Non, les commentaires étaient épars, à la fois dans la temporalité et aussi dans l'espace du bar, parce que ça venait d'un peu partout, puis ça venait juste comme bien ponctuer le spectacle. Il y a juste je vous dis, quand le groupe le lidait bien, je pense aussi quand, de façon encore une fois un peu grivoise, le chanteur va dire « Hey, je vous ai réservé une chambre au Murder Motel » en faisant référence à leur avant-dernier album qui s'appelle ainsi. Ouais, c'était un peu ça la réaction. Bruit de criquet. Non, mais je pense il était un peu déçu de la réaction. Il était comme, mais là, comment, tu sais, je vous ai loué un motel, les amis, yeah! Alors oui, blagounette de capote. Mais il y en a un qui répond, genre, hey, ça va te coûter cher. Mais on voyait qu'il y avait une certaine volonté que la foule crie plus ou peut-être réagisse plus. Mais au final, je crois que les gens répondaient de façon, ouais, tu sais, très spontanée, très naturelle. Fait que ça perdait pas du fait qu'ils voulaient comme susciter une réaction, mais que c'était pas exactement celle qu'ils cherchaient, mais que c'était tout aussi intéressant. Fait que, ouais, là-dessus, beau pouce en l'air, crowd, parce que des fois, trop jaser avec les musiciens, ça peut mal virer, ça peut être long, ça peut être désagréable, tandis que là, j'ai senti tout l'inverse. Merci beaucoup, beaucoup. Sur ce, ben oui, on s'en va en écouter Dark Century, la chanson cicatrice sur leur nouvel album Under Disorder. Cicatrice. vous venez d'entendre Cicatrice de Dark Century sur leur récent album Under Disorder. Et si je t'ai jasé de la jasette et les limites de la jasette qu'on peut avoir avec la foule, quelle est la limite cyniquement à avoir avec justement nos beaux groupes qu'on aime? C'est une question que je me serais posée durant le spectacle de Basalt au bord entre nous. Tout ça après les publicités parce que t'écoutes Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Audin en spectacle à Montréal avec son tout dernier album, Comme une odeur de déclin. Je t'aimerai plus fort, toi qui laisses mes creux. Le 5 avril à la Sala Rossa avec Van Ey en première partie. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Comme une odeur de déclin, disponible partout. Au Quai des Brumes, nos spectacles sont mardi 3 avril, Flo and the House of the Rising Sun. Mercredi 4 avril, en 5 à 7, David Jobin en lancement d'album. Et en soirée, riposte poétique, nos corps, nos voix. Le jeudi 5 avril, le lancement d'album de Slinky Canif et Santoche Lalonde. Le vendredi 6 avril, soirée DJ avec DJ Popir. Le samedi 7 avril, une autre soirée DJ. Le dimanche 8 avril, en 5 à 7, des plugs présentent un show surprise. Quai des Brumes, coin Montréal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Blue Sky Stone Black est fier de présenter Preoccupations le 16 avril au Théâtre Plaza. Signé sous Flemish Eye Records, le quatuor post-punk Preoccupations présentera son nouvel album New Material. Avec en première partie, le groupe montréalais Lonely Parade. Classique en famille sur écran géant, quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Thank you. C'était Phonème de Vanille. Et Vanille sera en spectacle ce soir avec Maud Audet à la Sala Rossa. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, Jolene. Ben oui, beaucoup de plaisir, bien du métal à suivre. Mais avant, bien des suggestions de spectacle parce que Crowd, ben oui, va voir les spectacles, soit parmi la foule. Et ce soir, il y a aussi au théâtre Corona Milk and Bone. Vendredi, Joe Rocca, il va être au théâtre Fairmount. Et ben là, mon Dieu, je mets du métal partout. Puis dans mes suggestions, il y en a quand même pas mal parce que Hands of Despair vont jouer au Petit Campus. Si je ne me trompe pas, c'est un lancement d'album. Oui, parce qu'on fait un nouveau projet et j'ai juste eu le temps d'écouter une chanson. Elles sont longues et elles sont merveilleuses. J'ai bien hâte d'entendre la suite. Sinon, le même soir, vendredi, les Loulies vont jouer avec Vulvet et Vidéo Future à l'ESCO. Et vendredi! Ah, ben oui, Trois-Rivières Metal Fest. Fait que je suis bien excitée de retourner. Pour la première fois, je vais découvrir le cabaret de l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Fait que c'est déjà un événement en soi pour moi. Mais ensuite, écoute, ça va être bien du plaisir avec Jungle Rot, Anonymous, Entrotil, Outre-Tombe, Necrosphère. Et pas Dayside, finalement, ça va être Castle Decapitation. Samedi, Despise Icon, Beyond Creation, Obey the Brave, Get the Shot, Divinity, Insurrection, Not Walk. Alors, une soirée plus hardcore, une soirée plus poil. Viens-t'en, ça va être bien plaisant. Mais si tu restes à Montréal, je te suggère samedi d'aller au lancement de Birmanie. Oui, c'est en ce moment dans le palmarès francophone de CISM. J'en ai mis il y a une couple de semaines, c'est même pas la semaine dernière. La notion du tab m'échappe en ce moment, mais je sais que ça se passe ce samedi au Studio Rouen et en première partie, il y a Double Date with Dead, puis ça va être bien magique. Dimanche, Chasse pareil, Lumière, ça se passe à Sala Rossa. Lundi, Matt Vesio va être au Vert Bouteille. Mardi, Art, Suggestion Poil avec Cradle of Filth, ça se passe au Théâtre Corona. Et, ben, si tu fais le plus rap, il y a Azap Ferg qui va être au New City Gas. Puis ça, vraiment, j'aimerais ça avoir un retour sur la critique de Crowd. Sois-y, donne-moi de l'info. Et t'as juste à l'écrire sur Facebook, les internets, les courriels, tout ça en même temps. Mercredi, finalement, US Girls vont jouer à l'ESCO. On va continuer avec le palmarès francophone de CISM en quatrième position, Loud et la chanson Devenir immortel et puis mourir. C'est pas tant l'argent qui nous intéresse, autant qu'est-ce que le montant symbolise. Mon boy est déjà rendu beaucoup trop loin, crois-moi, y'a plus rien qu'on peut faire pour lui. Par la gloire ou par la guerre, un jour on l'aura notre terre promise. On vivra à jamais dans les livres d'histoire ou dans les dossiers d'archives de la police. Quand tu allais, on revenait, demain c'est loin, on est déjà là-bas. Il parle déjà d'album de l'année, pour nous c'est juste l'année de l'album. Tu nous envoyais des flèches dans tes morceaux, aujourd'hui tu voudrais qu'on collabore. Si tu voulais vraiment recoller les morceaux, fallait pas respirer la colle à bois. Ah, la barre roulée jusqu'à la banque, voler jusqu'à là-bas, toute mon équipe sous les parasols. Mon seul regret dans cette vie restera d'avoir eu qu'une seule vie à pouvoir donner à la cause. C'est pas ma faute, je suis incorrigible, que des OG dans mes origines. Funérailles en polo et Tommy Jeans. Enterrez-moi sur du Prodigy, oh. Promis sur ma tombe, je mourrai promis sur le pont. Tell my story when I'm gone. Oh, oh, oh, y'a rien d'inutile. Love is in the little things. Je demande pas grand chose. Je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Survivre à tous mes ennemis mortels avant de mourir. Je voulais seulement, je voulais seulement. Et amitié, crains pas la rouille. Vieux proverbe, tiens pas la route. Il me semble que je vois beaucoup de visages embrouillés quand je ressors mes vieux polaroids. Oh, tu voulais percer en France, hein? Du coup, t'as largué ton accent. T'as truqué ta voix comme T-Pain. Né pour un petit pain, mort pour un croissant. Moi, j'ai jamais switch ni pivoté. I kept it 100, give or take. Si un jour ils nous invitent dans leur gala, cette fois-là, tu sauras pour qui voter. Moi, j'ai jamais switch ni pivoté. J'ai tiré direct, j'en vais par la bande. Si tu voulais vraiment en finir avec nous, fallait pas tirer des balles à blanc. Ah, là-bas, rouler jusqu'à la banque, voler jusqu'à là-bas. Tout mon équipe sous les parasols. Mon seul regret dans cette vie. Restera d'avoir eu qu'une seule vie à pouvoir donner à la cause. C'est pas ma faute, je suis incorrigible. Que des OG dans mes origines. Funérailles en polo et Tommy Jeans. Enterrez-moi sur du Prodigy, oh. Promis sur ma tombe, je mourrai promis sur le pont. Tell my story when I'm gone. Oh, oh, oh. Y'a rien d'inutile. Love is in the little things. Je demande pas grand chose. Je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Survivre à tous mes mes ennemis mortels. Avant de mourir, je vous laisse manger, je vous laisse manger. Le racisme va s'éteindre, yup. Pas noir et blanc, mais un beau dégradé. Et magnifique, on s'éteint, yup. Métissage, métissage. Que les consanguins me dévisagent, leur pureté, plus au nez, car leur pureté est périssable, périssable. Métissage, métissage, leur bébé va être brown. Est une belle image, inévitable atterrissage, car hybride sont nos véritables héritages. As-tu réalisé les injustices institutionnalisées, médiatisées, banalisées, comme si plus de mélanine égale moins qualifiée. La carotte nous fait saliver, comme planifié, faut que le programme déprogramme leurs sales idées. Rien nouveau dans ce que Trump a réanimé. America, devra calciner. What makes you think you can override us? What makes you think you can divide us? Is your ascension to let it be the joke of us? At the end of the day, you are no different, you are not different from me. What makes you think you can override us? What makes you think you can divide us? Let it go, what you can. Agenda impérialiste, médias hyper racistes, la haine de l'autre sur notre sédatif. Xénophobe, homophobe, islamophobe, car à la mode, et l'idée fasciste, les idéalistes réagissent pour célébrer la diversité de nos mélanines, de nos cultures, des traditions que nous pratiquons, les murmures que nous abritons. Séparés, continueront de les peindre, yup. Pas noir et blanc, nous sommes un dégradé. Et magnifiques sont s'éteint, yup. Magnifiques sont s'éteint, yup. Le racisme va s'éteindre, yup. Pas noir et blanc, mais un beau dégradé. Et magnifiques sont s'éteint, yup. Petit bloc hip-hop, une gracieuseté du palmarès francophone de CISM pour tous les titres, CISM893.ca. Mais sinon, tu viens d'entendre Loud avec la chanson Devenir immortel et puis mourir sur son album Une année record. Puis vous avez entendu Monkey et la chanson Magnifique dégradé sur son album Couronne à double tranchant. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et c'était une première fois au bord entre nous pour le lancement du nouvel album de Basalt. Alors j'étais. Oui, j'étais quand même excitée d'aller. Au bord, là, entre nous, parce que là, ça faisait une couple de fois que je voyais des shows se passer là-bas et qu'inversement, question adresse, je veux dire, c'est les presque voisin du La Tulipe, les voisins à côté du Théâtre de la Licorne d'Énergie Cardio. OK, ça, ça me concerne un petit peu moins, peut-être. Mais reste que je comprends pas pourquoi j'ai dû passer devant dans ma vie puis que ça passait autant dans le beurre. Fait que ça, ça m'échappe un peu. Parce que non, c'est bien affiché. Bar danse entre nous. Et il y a même d'afficher la programmation. Fait que non, il me semble que ça pourrait être très, très évident. Cette fois-ci, ben, je ne pouvais pas manquer de repère puisqu'il y avait une coupe de métalleux qui se tiraient des puffs de cigarettes devant le bar. Alors non, je ne me suis pas faussement dirigée dans la soirée de danse rétro du La Tulipe. J'allais au bar de danse l'entre nous pour peut-être potentiellement trasher, mais surtout aller, ben oui, au lancement de Basalt. Alors, l'intérieur, c'est le genre de place que j'avoue j'aime parce que ça nous rappelle, j'espère, je t'inclus déjà, crowd, dans ma démarche. Je sais pas, moi, ça me rappelle comme le sous-sol de ma grand-mère. Il y a tout le temps comme des toiles un peu partout. On le sent qu'ils ont été choisis avec amour, mais le lien entre les toiles, aucune idée. Il n'y a pas comme un courant esthétique. Non, quoique des fois, c'est des paysages ou, je sais pas, peut-être c'est un artiste local ou la belle-sœur de quelqu'un qui l'a laissé, puis on décide de le décorer. Des crochets sur le bord des murs un peu partout, fait que tu peux laisser ton manteau un peu à ta discrétion. Des tables empilées un peu partout parce que, hein, tu sais, il faut faire de la place pour la crowd, mais on savait pas où les mettre ailleurs. Par contre, on laisse bien dégager la table de poule parce que c'est important de laisser place aux joueurs parce que la table est gratis toute la soirée. Fait que ça, c'est bien passé pour tout le monde, déjà en partant. Autre point que j'ai... bien... que j'ai beaucoup apprécié, puis ça, c'est personnel, puis ça change rien ma critique de crowd. Oui, il y avait comme un rack à chips derrière le bar, fait que déjà, je trouvais qu'il était bien installé. Mais il y avait un rack à fort. Il était déjà comme la tête à l'envers de la bouteille de fort dans un rack à la fois fancy et complexe que je comprenais même pas comment la serveuse s'en servait, mais j'étais intriguée, oui, justement, de son fonctionnement, mais aussi mais où vient ce produit? Pourquoi j'ai jamais revu ça dans un autre bar qu'au bar l'entre-nous? C'est un grand mystère. Je n'ai pas pu assez jaser avec la serveuse. Elle était fort occupée ce soir-là, comme elle doit l'être tous les bars, tous les soirs, parce que hein, danser, faut aussi s'abreuver et surtout s'hydrater. Encore une fois, la première partie de Dog Century nous l'aura bien appris, c'est important de boire de l'eau. Sur ce, ben, on va continuer déjà en musique avec une chanson que je connaissais pas. Je connais l'indice, je connais l'album Le Bonheur, mais je crois que je n'avais pas assez écouté la chanson Tu penses que tu danses. Et on s'en va l'écouter sur les ondes de CISM. danse de Miss France sur leur album Miss France. Et oui, des chansons qui parlent de danse pour le bord de danse. L'entre nous, et vous avez aussi entendu avant l'indice sur l'album Le Bonheur, la chanson Tu penses que tu danses? Toujours critique de crowd. En ce spécial, comme j'ai dit, pré-Metal Fest et tout en métal. C'est fou comment je l'ai gardé longtemps en tête, ce spectacle-là. Il y a plein de choses qui... c'est ça, des questions. Et ça va déjà commencer avec la première partie. Ouais, je sais, là, c'était la deuxième dans la soirée du lancement de Basalt. Là. Ben oui, je suis en retard. Fait que c'était Chabanel. C'est quand même assez exploratoire musicalement. Et sur scène, ils n'ont pas pris toute la scène, ou plutôt ils débordent, c'est une façon de voir les choses. Alors, certains instruments étaient placés au parterre. Bon, là, ça, c'est le moment où, genre, faut quand même que je dise que, ouais, la scène était pas très, très haute. Là. Mettons, c'était une demi-marche. Alors, quand je dis parterre, c'était pas une question tant de hauteur. Là. Mais reste que, quand même, c'était pas l'espace qui était assigné à la scène non plus. Alors, on voit que, oui, ils ont décidé de prendre l'espace scénique à leur manière. Ce n'est pas hyper nouveau. Là, on se dit pas comme, oh mon Dieu, quel concept jamais vu. Mais quand même, j'aime quand les artistes prennent à leur main et aussi à leurs envie, la disposition qu'amène la salle. J'apprécie le tout. Surtout que... je sais pas. C'est, en faisant mes recherches sur le bord entre nous, j'arrête pas de te le mentionner mille fois, le bord entre nous, parce que oui, c'est devenu un nouveau coup de cœur. Et sur leur site Internet... c'est un peu gênant parce qu'il y a un groupe, tu le vois, là, tout le band est sur scène et ils ont l'air de bien s'amuser, ils font de la musique, mais t'as le bassiste qui a pas sa place sur scène. C'est tellement le rejeté du groupe, il joue à terre. Et là, tu le vois que c'était pas volontaire. C'est ça, c'est triste. Moi, je dis que ce groupe-là, il existe plus, je le reconnaissais pas, mais ils doivent plus exister, ils se sont chicanés. Je veux dire, si tu pas tout ton band, il est sur scène, t'en laisses un boudé dans son coin, puis t'es comme, on va mettre le bassiste parce que de toute façon, il est pas très spectaculaire dans sa démarche de jouer. Il va être tranquille dans son coin. Bah! Non, mais en tout cas, moi, la photo m'a beaucoup gênée. Mais inversement, tu vois, quand on s'approprie l'espace, ben ça donne un meilleur moment aussi pour le public. Je veux dire, ça une meilleure forme d'uniformité avec le groupe. On voit pas comme une espèce de dissonance. Comme pourquoi lui, il est à terre et pas les autres? C'est bien étrange. Non, là, c'était beau. C'était bon, mais, prendre ses aises, faire des choix artistiques, je crois que ça peut-être ça amène de penser à tous les petits détails, parce qu'ils avaient aussi amené leur propre éclairage, mais le bal entre nous de danse. Ben écoute, c'était à Saint-Valentin, puis on était surtout post-Saint-Valentin, vu qu'on n'était plus le 14 février pantoute, puis il y avait une espèce d'éclairage rouge de Saint-Valentin, là, au-dessus de la scène. En tout cas, moi, je trouve que ça fitait avec le reste de restantes décorations de Valentin. Puis... oui, ça a vraiment eu une incidence sur le spectacle, de mon avis, là, parce que il y a pas de grande action dans la foule. C'est très... il y a quelque chose d'introspectif. Ouais, t'as envie de fouiller dans ton dedans, là, pas juste introvertif. Introspectif pendant que t'écoutes la musique. Puis il amène cette ambiance-là avec la musique, la disposition du groupe, les instruments, de la façon qu'ils se déplacent. Je sais pas, mais je trouvais que ça faisait... on crée une atmosphère, mais en oubliant l'atmosphère qui existait déjà dans le bar, ça venait comme créer une certaine forme d'opposition qui m'a déconcentrée. Là, c'est sûr que c'est ma petite concentration fragile à moi, là, fait que je pourrais pas parler au nom de tous les autres spectateurs. Quoique, ben... ça doit être la réponse. Si ça déconcentrait du monde, il y en a une couple qui ont fermé les yeux. Qui ont littéralement fermé les yeux pour mieux se concentrer sur la musique. C'est vrai que ça fonctionne. Petite tête qui dodeline. Et c'est drôle. J'ai envie de dire que le spectacle était hypnotisant, mais hypnotisant les yeux fermés. Oui. Fait que tout ça en même temps... peut-être... Non, c'est pas dû aux éclairages de Saint-Valentin, mais vous me comprendrez. Moi, j'ai voulu avoir peut-être un aspect trop visuel du spectacle, puis ça, j'aurais été... pénalisé? Ouais. Parce que même... c'est le moment où je suis un peu mitigée parce que c'est... par la suite, j'en ai discuté avec d'autres dans la foule puis j'avais l'impression que j'étais un peu puriste là-dessus, mais oui, l'espace scénique est vu différemment. Et oui, c'est par terre. Fait qu'il y a quelqu'un pour aller aux toilettes ou je ne sais trop. Ben, il a traversé l'espace scénique. Je te dis pas qu'il a passé entre le drame puis le guitariste puis il a dit « Excusez-moi, je voudrais de l'espace. » Tu sais, c'était quand même... Non, j'ai pas envie de dire que c'était discret, mais disons que c'était pas... il faisait pas des grandes frasques, là. Il a pas fait une roue latérale, là. C'était discret, là. Ça... on n'est pas venu mélanger l'ambiance. Reste que, pour moi, c'était évident que là où il a marché, c'était l'espace scénique. Puis, tu sais, je veux dire, sur scène, tu peux monter, stage IV, tu peux aller parler avec les musiciens. Il y a tellement de circonstances où ça va être accepté. Tandis que là, on dévie de la scène en tant que telle pour la mettre ailleurs, puis en même temps, on le respecte pas. Pour moi, il y avait comme une faute au décorum. Je trouvais que ça manquait un peu de respect. Puis oui, là, c'est le moment où je me dis, c'est des bains de puriste, Jolene, calme-toi. Je veux dire, ça a duré 2 secondes, tout le monde s'en est remis. Mais moi, je trouve ça quand même un peu dommage. C'est pas comme si l'ambiance du spectacle amenait ça. Fait que, ouais, c'est ça, je suis mitigée, mais je serais curieuse d'avoir votre opinion, chers auditeurs de la marge. Vous avez de belles réflexions, j'aime vous lire. Alors, dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et à suivre, mais peut-être en écoutant, vous allez peut-être mieux saisir, peut-être, ouais, l'espèce de concentration qu'il faut avoir pour écouter du Chabanel. Allons-y gaiement, Chabanel sur les ondes de CISM. C'était la chanson « Par-dessus l'épaule » de Chabanel. Et voilà le plat de résistance de la soirée. Et oui, Basalt, deuxième album, ce quatuor, qu'ils font dans le Black Death Doom Post Hardcore. Et leur album Vertige, qui est sorti sur JBS Records. Et Sainte-Cécile! Je sais pas à quel point je vous mentionne souvent comme « Ah oui, il est sorti sur quel label? » Mais on dirait que moi, je suis restée surprise, Sainte-Cécile! Ben oui, le petit nouveau-né de Dare to Care. Fait que je me dis « Ah mon Dieu, un band de... » Oui, j'allais réduire à juste dire black metal, mais disons, band quand même bien, bien lourd sur Sainte-Cécile. Alors, je trouve ça très beau à voir. Quoi qu'ils ont aussi Big Brave. Alors, je vois aussi une certaine continuité dans les types de variétés sont qu'ils vont accueillir chez Sainte-Cécile, mais joie, joie, joie. Sur ce, ben écoute, crowd, j'étais heureuse parce que la serveuse est allée décrocher les lumières! Oui! Oui, c'est vraiment... Je te le dis, il m'avait tellement gossé les lumières rouges de Saint-Valentin, là, où je sais plus la couleur. Bref, ça fait... Non, fini les cœurs, fini Kitchcoach qui va diverger à ma concentration. C'est fini. Fait que je suis bien heureuse. Et oui, merci groupe. J'espère que c'est toi qui as donné le cue. Mais ça fait une différence. Parce qu'encore une fois, il y a eu une importante... Oui, grande décision de la part du groupe sur l'atmosphère qu'ils voulaient créer durant le spectacle. Je voudrais que l'ambiance qu'ils ont créée par la boucane... oui, il y avait une machine à boucane qui était comme cachée en dessous du drum. Le drum qui n'est pas sur scène, qui fait face à la scène. Donc, le drummer est comme de dos à une bonne partie de sa foule. Et sinon, tous les autres bassistes, guitaristes qui sont sur scène, eux, mais tous et égal sur le bord, vraiment à l'avant-scène. Je trouve que c'était une disposition... fort intéressante et vraiment, vraiment, vraiment. Pas juste d'être pas sur scène, vraiment le fait qu'ils pouvaient tous le groupe se voir face à face et que la crowd vient épouser vraiment les formes et du drum et du restant de la scène, ça crée une proximité vraiment intéressante. Puis surtout d'entourer le drummer en tant que tel, ça arrive pas si souvent. Alors déjà en soi, il y a comme une expérience qui se passe pour la foule simplement par les choix, si je me permets de dire, un peu scénographiques. Et autrement, oui, Machine à boucan, et oui, là, elle a éteint les lumières de Saint-Valentin. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mis des lumières rouges et de la boucane. Je t'ai dit qu'il y avait de la boucane, la boucane. Je crois qu'au début, j'essayais d'observer la foule et je voyais juste des ombres tellement la machine commence à se faire aller. Ben ouais. Autrement, dans la foule, ben oui, la plupart des gens vont être debout. Puis justement, vraiment dans l'impression qu'on fait partie d'un rituel, ouais, je sais pas, un sentiment... Pas tant d'appartenance que juste... oui, le fait d'être aussi proche, qu'il y ait autant d'éléments extérieurs à la musique qui vient englober, ça crée un tout vraiment intéressant, puis certains vont prendre de leurs aises. Alors, pas juste debout, deux personnes qui vont se mettre en petit bonhomme à côté du drum, ou même assis sur un tabouret. Là, je me dis, quelqu'un vraiment prend ça relax à soirée. Et par contre, oui, il y aura pas tant d'action durant une bonne partie du spectacle, mais quand même, quelques headbangers, ça durera pas longtemps, puis ils sont pas majoritaires. Ça, peut-être durant certains élans plus intenses de la musique où on pouvait... ouais, peut-être se sentir aller de son corps, parce qu'autrement, j'allais dire figé, mais c'est pas tant le cas. Je vous disais, l'impression qu'on vivait quelque chose comme un rituel, parce qu'il y avait, on était investi jusqu'à être un peu transi par la musique. Là. On était partout et nulle part à la fois. Oh, ben oui, on le sentait moins, le bord entre nous, plus que l'ambiance en tant que telle. Quand je te dis que les gens se mettaient bien à leur aise, mais écoute, il y en a un, il a commencé par enlever son T-shirt. Puis ça arrive quand même de temps en temps dans les spectacles. Ensuite de ça, ben, il enlève ses souliers. Hein, pourquoi pas? Faut être à l'aise. Mais ensuite de ça, hey, mon Dieu, ses pantalons étaient tellement bas, j'étais comme ça, il se met tout nu le gars, ça y est, il est vraiment, vraiment à l'aise. Non, ce sera pas vraiment le cas, mais si je me trompe pas, j'avoue, le spectacle date quand même un peu, là, 17 février. Alors, J'ai l'impression qu'il y en avait au moins deux qui se sont mis en chest, tandis qu'il n'y avait pas nécessairement, tu sais, d'action où tu sues, puis là, tu veux te déshabiller. Ah! C'est parce que là, le trash, très, très étonnamment, va arriver. Je dis très étonnamment, je sais pas, dès que ça a une sonorité plus black metal, oui, je m'y attends moins qu'il y ait ce type de danse-là en spectacle, mais il va éclater, puis juste derrière le drummer, ce qui crée, ouais, l'espèce de faut pas trop le pousser non plus, hein, pas déranger. Ça trash en tuque, puis en foulard, on sent l'hiver, et surtout, on sent la tu sais, le monde, on dirait qu'il poussait avec une force de « je vais te ramasser! » Étant donné que la disposition du bord, oui, c'était plutôt serré, fait que c'est un trash, surtout en longueur. Je ne sais pas à quel point c'était optimal pour le trash et pour l'énergie que les gens y mettaient, parce que, il me semble que c'est facile que le débordement finisse mal, surtout avec le drummer juste à côté. Et la boucane qui s'ajoute, et de la boucane! Alors, pendant que ça boucane, on va aller écouter Déluge, parce que, pourquoi pas un petit peu de black metal sur les ondes de CISM. Je dis black, mais oui, vous aurez bien compris, black et bien des dérivés dans son genre. si tout d'un coup, t'es pas à côté d'une flight, sache-le, crowd. Non, non, il pleut pas. C'était bel et bien dans la chanson de Déluge. Et ça donne bien que le groupe s'appelle Déluge. Alors, dans leur chanson Mélasse Cole et sur leur album Haïti, ben oui, il y a des petits bruits d'oiseaux et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd avec ce merveilleux spectacle de Basalte qui, là, tout en pluie. Non, non, là-bas, c'est tout en brouillard et peut-être que ma critique de Crowd est limitée par la boucane. Ouais, je deviens critique de brouillard. On voyait vraiment pas bien dans le bar. Ça fumait de partout de boucan artificiel. Ça va quand même pas empêcher le trash de se repoursuivre. Un peu plus tapon que grosse poussée, comme je vous disais au départ. Et qu'entends-je? Bip, bip, bip. Puis là, je me dis bip, bip. Mais semble ça fait un peu trop électro, tu sais, pour Basalte. Puis genre, j'ai pas entendu ça, mais semble sur leur album. Je suis comme, ah, quel drôle d'ajout pour le spectacle. Petit élan électronique, pourquoi pas? Non, non, ça fait pas partie du show pantoute. Le détecteur de fumée est parti parce qu'il y avait vraiment trop de boucanes. Mais trop, trop. Esthétiquement, c'était intéressant. Ça a vraiment créé une ambiance. Mais je pense que la serveuse était pas tout à fait du même avis. Elle capotait. J'étais juste à côté du bar à ce moment-là, puis était comme, ben là, faut que ça arrête parce que là, sinon, là, ça s'appelle la centrale, là, se plugue à la centrale, fait que là, les pompiers vont arriver. Et c'est le moment où je me suis dit, jamais autant un spectacle de Black Death Doom post-hardcore m'aura autant évoqué le classique de Sacha Distel. Mais oui, le classique qui dit, mais qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des lances, des grandes échelles? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Ben non, non, il n'y a pas eu descendu à Rio. Non, il n'y aura pas eu descendu non plus durant le show de Basalte. Ce n'était qu'un subterfuge. Je sais pas à quel point y avait pensé, les gars, quand tu mets autant de boucanes dans une salle qui est aussi petite. Et les conséquences que ça aurait pu avoir. Je m'imagine si les pompiers étaient vraiment pointés avec leurs tuyaux, qu'est-ce qu'ils auraient fait sur le spectacle? Ben, je crois qu'on aurait été obligé d'arrêter, là, mais c'est comme l'inverse d'une débarque policière, là, où on le sait que ça va être fini, mais là, les pompiers, ils sont juste choqués de s'être pointés pour rien. Est-ce que t'as des pénalités? Est-ce que t'as une amende sur devoir appeler les pompiers pour rien? Quoi que ça amène des policiers, faut que ça annule. Et gros bordel que ça aurait pu arriver, mais complètement évité. Alors, sur ce, je crois que je suis capable de la passer au complet, parce que oui, c'est de la gestion de temps en critique de crowd de passer une toune de 9 minutes! Alors, on s'en va plonger dans la chanson Acouphène Basalte sur leur nouvel album Vestige. We'll be right back. Oui, je te laisse le temps de te décanter de ce merveilleux moment radiophonique. J'espère que tu l'apprécies parce que en plein après-midi, en plein soleil, oui, passer une chanson de 9 minutes, c'est une première dans mon cas. Alors voilà, vous avez entendu Basalt et la chanson Acouphène sur leur album Vertige. Et ce n'est même pas la fin de la critique de Crowd parce que oui, j'espère que vous l'avez bien senti là, musicalement comment. Oui, je trouve que ça évoque beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Alors imaginez avec la boucane, avec la crowd, la proximité avec le groupe et le système d'alarme anti-incendie qui part et qui n'arrête pas. Non, ça ne cessera pas jusqu'à la fin du spectacle. Mais je retourne à l'avant-scène puisque j'étais proche du pit. Alors je retourne vers le groupe. Et pour moi, ça a été peut-être doublement surprenant parce que je les ai pas vus aller. Alors je retourne en avant et qu'est-ce que je vois? En premier, je vois un gars, un petit bonhomme, un de ceux qui était en chest, assis vraiment là, un petit bonhomme à côté de l'ampli, derrière le guitariste. Alors oui, il est sur scène, en train d'écrire dans un calepin. Et je crois que, ben oui, quand je dis que ça évoque beaucoup de choses dans notre dedans, ben j'ai l'impression qu'il était en train de simplement accoucher sur papier de ses sentiments. Ou peut-être qu'il était en train d'écrire un livre, là, on le sait pas. À suivre. Mais reste que oui, ça m'a quand même déroutée parce que il y avait comme une forme de permissivité de pouvoir aller sur scène comme ça, puis de s'asseoir et de pas y partir. Il va rester là jusqu'à la fin. Et non, il dérange pas le groupe. Même que les fois qu'on va monter sur scène, on est plutôt turbulent, là, justement quand on stage dive, quand on s'en va danser sur scène, puis on s'énerve. Puis après ça, on retourne dans la foule. C'est ça, d'habitude, il y a comme un espèce de point où tu retournes dans la crowd. Mais là, c'était pas parti pour. Il avait fait son petit nid, son petit cocon. Et on le voyait quand je dis que c'est, de tout ce spectacle et de tous les groupes de la soirée, il y avait quelque chose d'introvertif, d'introspectif. Ben, lui, il était complètement là-dedans. Là. Je crois que c'était très assumé comme démarche, très anti-crowd, si je peux dire. Et c'est là que ça me fait poser la question, comme jusqu'où tu peux dépasser les limites entre la scène et la non-scène? Parce que, comme je vous ai dit, le drum, il est par terre, fait qu'il y a une espèce de différence entre ce qu'on peut accorder comme ce qui est uniquement scénique. On pouvait le voir, la limite était très, très floue avec le gars qui restait là, jusque où on peut se le permettre. Et c'est tellement une question de situation, d'ambiance, puis de cohésion, parce que j'ai su par la suite que les deux gars en chess, oui, j'ai pas encore fini avec le deuxième, mais ouais, fait que ceux qui étaient en chess, c'est vraiment les habitués du groupe qui aiment le groupe, puis qui ont vraiment une façon très particulière d'aller à leur spectacle. Fait que pour le Ben, ça les déroutait zéro. Moi, j'étais surprise parce que je l'ai pas vu aller, j'ai pas vu monter sur scène, puis ben, décider de s'asseoir puis de rester là pour le restant du set. Alors, mais en même temps, on le voyait, je sais pas, peut-être que, je sais pas, ça a peut-être suscité une réaction, mais je l'ai pas vu. Mais sinon, sur place, il y avait pas de malaise ou de voyons, qu'est-ce qu'il fait là, il dégage-tu ou quelqu'un qui voudrait le tasser. Non, vraiment pas. Alors, encore une fois, une question de cohésion, puis d'autant plus si c'est des fans vraiment proches du groupe, je crois qu'il y a encore moins de malaise, de confusion qu'ils puissent avoir. Oui, alors, allons-y gaiement pour le deuxième en chest. Lui aussi, tu sais, si l'autre était comme très, très dans son coin, l'autre, il prenait de l'expansion. Il était incroyable. Je crois que le yacht l'avait possédé pendant la fin du spectacle parce qu'il y avait comme une espèce de overtrip satanique. Le gars, il avait les yeux exorbitants, là, vraiment qui sortait. S'il avait pu avoir des veines qui sortent de son iris, là, je pense que ça aurait été le cas. Mais autrement, même ses doigts étaient comme des sœurs, comme un aigle possédé. Puis là, il était comme là, c'est le moment où je fais un bruit, puis j'espère que tu l'interprètes aussi comme physiquement. Il incantait des choses. Il était tout tordu, ben, c'est, il vivait sa musique, il l'extériorisait dans une gestuelle pas du tout dansante, mais vraiment comme si... il l'a touché, il la prenait vraiment durement, puis devant le guitariste, fait qu'il faisait un spectacle vraiment juste à lui, mais comme s'il vivait un moment tous les deux, sans que le guitariste l'ait nécessairement choisi ou peut-être amené, mais juste à lui, il était comme avec les doigts, puis en train de serrer des choses imaginaires. C'était d'une intensité là, unique, parce que c'était le seul à le faire aussi dans la foule. Alors, Je peux pas vous cacher qu'en retournant en avant au show de Basalte, j'ai vécu quelque chose. Puis oui, encore une fois, la limite qu'on peut se permettre, puis oui, ils se le sont permis parce qu'ils n'ont pas pensé transgresser quoi que ce soit, là. Mais quand même, ils étaient complètement face aux musiciens, tandis qu'il y avait un certain espace où il n'y avait pas des gens qui étaient nécessairement là. Ils n'étaient plus dans la foule. Il avait pris un espace qu'il a décidé vraiment d'en prendre possession. Et prendre possession tandis qu'il avait l'air possédé, c'est tout à fait magique. Alors voilà pour cette fin de cette critique de crowd du show. Lancement de Basalte au bord de Danse, l'entre-nous. Et sinon, ben oui, c'est critique de crowd. Jolene Ruet, c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Toute suggestion de show, mais les internets, c'est pratique pour ça. Sinon, ben écoute, il y a plein de moyens de communication. Je te fais confiance, chers auditeurs de la marge, parce que tu es le meilleur. Je t'aime beaucoup. Prends soin de toi. On se voit en fin de semaine à Trois-Rivières. Puis je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Pour le dollar pour le gain, comme à Paris avec le chocolat marocain. On a eu des passes difficiles, mais le sort bien. T'aurais pas de la dinde, un petit peu de dinde. Ici Ken Lo, à Claha. Vous êtes très hautement plugué sur CISM 89.3. Avec du Hey, this is Chris from Metz. You listen to CISM. Salut, petit gars! Bonjour, je suis à la recherche de Amazing Spider-Man 129. Oh, un connaisseur, la première apparition du Jackal, ça va te coûter cher, ça. Je vais le prendre, mais juste s'il est mint. En échange, j'ai Stadium Events. Pour mieux comprendre la culture geek, écoute Les Geeks ont raison, les mercredis à 10h30. À CISM. Sky Stone Black est fier de présenter Preoccupations le 16 avril au Théâtre Plaza. Signé sous Flemish Eye Records, le quatuor post-punk Preoccupations présentera son nouvel album New Material. Avec en première partie, le groupe montréalais Lonely Parade. Réponse. Ce genre qui a révolutionné la musique électronique à ses débuts en 1995. Qu'est-ce que le drum and bass? À chaque semaine, Apopexia te fait découvrir les nouveautés et revisiter les classiques du genre à Neurotransmission. Chaque vendredi à 1h du matin sur les ondes de la marge. CISM 89.3 FM. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Vous êtes invité à la cabane à sucre urbaine sur le campus 1000. Tire sur la neige, crêpes et cocktails à l'érable le jeudi 12 avril dès 15h et c'est au 6700 avenue du Rocher. Pour plus d'infos, visitez le campusmil.umontréal.ca. Vous aimeriez gagner des billets pour plein d'événements? Avec le calendrier culturel Oukanquoi, c'est simple et possible. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Visitez Oukanquoi et la page Facebook de Oukanquoi pour voir comment participer. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Maud Audin en spectacle à Montréal avec son tout dernier album, Comme une odeur de déclin. Je t'aimerai plus fort, toi qui laisses mes creux. Le 5 avril à la Sala Rossa avec Van Ayon, première partie. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Comme une odeur de déclin, disponible partout. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Vous écoutez CISM 89.3 FM. ben, ça me fait plaisir à moi de revenir. Ben écoute, j'ai remarqué que t'as amené quelqu'un de très spécial avec toi ce soir. Peux-tu me le présenter? Ben oui, j'ai amené ma mère qui est venue nous visiter. Donc, vous, ça, là, ça prouve que c'est vraiment pour tout le monde. C'est vrai, il y a la photo de toi, elle a l'air d'être fière d'être là, de ça, ta mère.